Vous savez d'où vient cet acronyme JJA? Non. C'est un surnom qu'on lui donne. JJA, comme James Jesus Angleton, chef du département du contre-espionnage soviétique à la CIA dans les années 50. Un type obsédé par la traque des agents doubles, des faux transfuges du KGB. Un génie. Il a fini complètement parano, dangereux, dément. Méfiez-vous de lui, Marie-Jeanne. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, itinéraire d'un contre-espion de légende, une légende noire, James Jesus Angleton, chef du contre-espionnage à la CIA entre 1954 et 1974. Un génie rendu fou par son job. C'est en ces termes que le directeur de la DGSE, dans la série Le Bureau des Légendes, désigne James Jesus Angleton, l'homme qui donne ses initiales au personnage interprété par Matthew Amalric, JJA. Mais qui est-il, cet agent de la CIA, pour inspirer jusqu'à une série française, mais aussi des romans, des films comme Raison d'État de Robert De Niro, par exemple? James Jesus Angleton est un chasseur d'espions hors normes et un homme singulier, romanesque, oui, avec sa passion pour la poésie, l'alcool et les orchidées, et surtout, c'est un destin qui traverse l'histoire du XXe siècle, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la Guerre froide. Pendant près de 30 ans, il va traquer les taupes, les agents doubles, pour défaire l'ennemi numéro un des États-Unis, le communisme. Une mission, que dis-je, une obsession, qui se transforme au fil du temps en paranoïa. Alors, JJA va trop loin. Il détruit et il s'auto-détruit. Secret, trahison et mystification, voyage dans les coulisses de la CIA avec l'une de ses figures les plus controversées. Notre invité aujourd'hui, Bruno Fulini, historien du renseignement. En 2018, il a publié Le Bureau des légendes décryptées aux éditions L'Iconoclaste. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. James Jesus Angleton, Jim, ou Jimmy pour ses proches, né en 1917 aux États-Unis. Fils de militaire, il grandit en expatrié entre l'Italie de Mussolini et les pensions privées britanniques. À 20 ans, il rentre aux États-Unis pour étudier la littérature à Yale. Jeune étudiant fauché, Jim Angleton fait figure d'original sur le campus. Toujours une cigarette aux lèvres, ce grand maigre n'hésite pas à sécher les cours pour se consacrer à ses passions, le poker et surtout la poésie. Pendant ses nuits d'insomnie, Angleton travaille à Furioso, la revue littéraire qu'il a créée sous le parrainage de son premier maître à penser, le célèbre et controversé poète américain Ezra Pound. Mais au tournant des années 40, leur correspondance prend fin. Pour Angleton, Ezra Pound, grand admirateur de Mussolini et apologiste du fascisme, va trop loin. L'antisémitisme et l'anti-américanisme du poète sont perçus comme une trahison par le jeune homme. En septembre 1941, James Jesus Angleton abandonne la littérature et intègre l'école de droit d'Harvard pour quelques mois. Puis survient l'attaque japonaise à Pearl Harbor. Les États-Unis entrent dans la guerre et Jimmy Angleton s'engage. Alors qu'il fait ses classes, il est repéré par l'OSS, l'Office of Strategic Service, créé en 1942, le service de renseignement extérieur que le gouvernement américain a créé face à l'incapacité du FBI à prévoir Pearl Harbor, justement. La CIA et le FBI restent compétents sur le territoire américain, tandis que l'OSS est chargé de l'étranger. Le tout nouveau bureau des services stratégiques recrute dans les universités de la Ivy League les futurs professionnels du renseignement américain. De jeunes hommes inexpérimentés, fougueux et ravis d'échapper aux services militaires classiques qui fonderont la sympathique réputation de l'OSS. Comme des centaines d'autres recrues, James Jesus Angleton est formé à Londres grâce à l'aide des agents du MI6, les renseignements britanniques. Nommé à la section italienne X2, le service de contre-espionnage de l'OSS, il y apprend le métier, comme on dit, interroger un agent ennemi, analyser les documents saisis, exploiter les erreurs du camp adverse, et découvre des termes mystérieux, la propagande noire, la face cachée des miroirs, ou encore le playback, c'est-à-dire la nécessité de comprendre comment la désinformation agit sur l'ennemi. À Londres, James Jesus Angleton rencontre Kim Philby, le grand espion britannique auprès duquel il apprend beaucoup. De 5 ans son aîné, Philby séduit le jeune Jim, 26 ans. Le chef du M6 en Espagne est cultivé, brillant et très anticommuniste comme Angleton. À Londres, le jeune homme impose rapidement ses qualités. Maturité, calme, intuition, logique, curiosité. Moins d'un an après son arrivée à l'OSS, il est envoyé en poste à Rome. Nom de code, artifice. Rapidement, il gravit les échelons pour devenir capitaine et chef du contre-espionnage en Italie. Et jusqu'en août 1945, il s'occupe de questions militaires en lien avec les opérations de libération de la péninsule. Puis vient la guerre et la retraite allemande, la fin de la guerre. Oui, c'en est fini des nazis. Angleton va désormais se consacrer à de nouveaux ennemis qu'il traquera pendant toute sa carrière, les communistes. En 1948, il intègre la toute nouvelle CIA fondée sur les cendres de l'OSS. C'est la première fois que les États-Unis se dotent, en temps de paix, d'un service de renseignement chargé d'agir hors du sol américain. La mission de cette nouvelle agence, indépendante du gouvernement des États-Unis, c'est Robert Baer, ancien directeur des opérations clandestines de la CIA, qui l'a décrit ici, face à la caméra de William Carell. La CIA est née avec la guerre froide. Elle n'avait qu'une seule et unique fonction, prédire quand, comment et à quel endroit précis l'Union soviétique allait attaquer les États-Unis. Elle n'a été créée que pour cela, après l'attaque de Pearl Harbor et l'échec de nos services secrets. Et du début des années 50 jusqu'à la fin des années 80, notre mission consistait essentiellement à percer les plans et les intentions du Politburo à Moscou. Dans sa lutte contre l'Union soviétique et le communisme, la CIA se focalise d'abord sur l'Europe. Parmi ces opérations, l'infiltration d'agents dans les territoires communistes, la création de cellules de résistance Stay Behind en Europe de l'Ouest, cellules dormantes à activer en cas d'occupation soviétique, et la lutte contre les partis communistes ouest-européens. En Europe, le cheval de Troie, c'est l'Italie, où le parti communiste est puissant et la frontière avec la Yougoslavie Tito poreuse. James Jesus Angleton, chef du contre-espionnage américain en Italie pendant la guerre, est encore bien infiltré dans les réseaux fascistes qui survivent secrètement. Alors, pour la CIA, il va embaucher des ex de l'OVRA, les services secrets de Mussolini, mais aussi d'anciens nazis, spécialistes des renseignements et de la lutte anticommuniste. Par le biais de ses relations, notamment au Vatican, Angleton va également œuvrer à l'accès au pouvoir de la démocratie chrétienne. Pour empêcher les communistes de gagner les élections législatives d'avril 48, la CIA va débourser près de 75 millions de dollars. Et c'est une victoire, comme on l'entend dans cette archive des actualités françaises. Dans toute l'Italie comme à Pise, les derniers jours de la campagne électorale ont remué des foules immenses du nord au sud. Tous les leaders des partis ont jeté dans l'arène le poids de leurs derniers arguments. C'est à Rome que le leader communiste Palmiro Togliatti s'est adressé pour la dernière fois avant le vote aux électeurs italiens. On sait que le parti communiste, avec qui avait fait alliance une fraction du parti socialiste, escomptait une victoire. C'est à Milan, au centre même de l'action extrémiste et devant un auditoire impressionnant, que le président du conseil, M. de Gasperi, chef du parti démocrate chrétien, a voulu clore la campagne électorale en appelant tous les Italiens à barrer la route au communisme. Tous les Italiens et Italiennes se sont efforcés de remplir leurs devoirs. Et M. de Gasperi a doublé son rôle de citoyen de celui de triomphateur. Les élections donnant la victoire à son parti assurent celle de la démocratie et de la paix. Voyez au passage des résonances explicites avec notre émission d'hier consacrée à la loge P2. Les méthodes de la toute nouvelle CIA en 1948 en Italie constituent en effet la matrice de la politique américaine dans ce pays pendant les années de plomb durant les décennies 70 et 80. Fort de ses succès italiens, Angleton se voit proposer un poste important par la CIA aux États-Unis cette fois. En 1949, on lui confie les relations avec les renseignements alliés. C'est lui notamment qui choisit les interlocuteurs étrangers de l'agence. Pour le Royaume-Uni, Angleton pense à celui qu'il a rencontré pendant sa formation à Londres et de qui il a tant appris, Kim Philby, bien sûr, devenu de surcroît chef de la section chargée de l'anticommunisme au MI6, l'Intelligence Service britannique, et premier secrétaire du MI6 à Washington. Commence alors entre les deux hommes une amitié qui dépasse bientôt les limites de la coopération professionnelle. À la fin des années 40, les employés de la CIA forment à Washington un petit réseau soudé par un mode de vie et des idées politiques communes. Les épouses, comme Saïd Soli d'Outremont, la femme d'Angleton, organisent dîners sauteries dans le quartier chic de Georgetown. Bien qu'il apprécie la solitude de la pêche à la mouche et de la serre à orchidées, James Jesus Angleton est aussi un homme sociable, insomniaque et grand buveur, bourbon, martini, vin rouge. En société ou lors de ses déjeuners d'affaires, notamment avec son ami Kim Philby, il boit beaucoup, au point de devenir alcoolique. William Colby, futur directeur de la CIA et adversaire d'Angleton, se souvient de l'influence de Philby. Je suis passé au détecteur de mensonges au milieu des années 50. Si Philby était passé au détecteur de mensonges à la fin des années 40, je pense qu'il se serait trahi. Il avait une approche intellectuelle des choses, pas physique. Certains de ses comportements étaient un peu étranges, en particulier avec les autres sur le terrain. Ils buvaient, ils couraient les femmes. C'était vraiment des gens très dissolus. C'est fou qu'ils s'en soient sortis en se comportant comme ça pendant si longtemps. Je pense que ça s'explique notamment par le système social du Royaume-Uni. Si vous venez de la bonne université, vous êtes accepté par essence. Tous les jours, Angleton déjeune à la niçoise. Toujours à la même table, toujours face à la salle pour surveiller ce qui s'y passe. On ne se refait pas. C'est là, en tout cas, ou dans le secret de son bureau, qu'il s'entretient deux fois par semaine avec son interlocuteur britannique Kim Philby. Des entrevues sans témoins, couchées sur le papier dans des mémorandums qu'Angleton range dans un coffre-fort de son bureau. Mais de quoi parlent les deux hommes? Impossible de savoir, par définition, mais une chose est sûre. Philby confirme l'une des certitudes de James Jesus Angleton. Des taupes agissent dans l'ombre des services secrets de l'Ouest, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France. Et Angleton obtient rapidement la preuve qu'un traître existe bel et bien. Entre 1950 et 1952, la CIA envoie clandestinement des agents en Albanie pour former des réseaux de résistance au communisme. Mais à peine arrivés sur le territoire albanais, 150 de ces agents, des Russes et des Américains, sont dénoncés et fusillés. Kim Philby a donc raison, en conclut James Angleton, il y a des fuites. Mais l'amitié entre agents secrets est parfois compliquée par des intérêts supérieurs. Voilà ce que Kim Philby écrit dans son autobiographie à propos de son ami Gigiya. Nous avions l'un et l'autre des visées plus longues. Ils ne prenaient soin de moi que pour mieux me garder sous cloche. Et j'étais, quant à moi, satisfait de lui tenir le bec dans l'eau. Plus la confiance régnait entre nous, moins il risquait de soupçonner quelque action en sous-main. Lequel de nous deux gagnait le plus à ce jeu? Je ne saurais le dire. Mais j'avais un gros avantage. Je savais ce qu'il faisait à la CIA et il savait ce que je faisais pour le SIS. Mais il ignorait la véritable nature de mon intérêt. En 1950, la CIA et les renseignements britanniques recherchent un certain Homer, le nom de code d'un agent anglais, possiblement au service de KGB. Un agent, ou plutôt plusieurs agents, comme on le découvrira l'année suivante, quand Donald McLean et Guy Burkus, deux diplomates britanniques en poste à Washington, feront défection. Suspectés d'avoir transmis à l'URSS des informations confidentielles sur le programme nucléaire américain, ils se réfugient à Moscou. Kim Philby, qui a étudié avec les deux hommes à Cambridge, est soupçonné lui aussi. D'autant que sa première femme, l'Autrichienne Alice Coleman, dont il a divorcé 4 ans auparavant, était membre du Comintern. Kim Philby, l'ami, le mentor, le collaborateur de James Angleton, serait-il un transfuge du KGB? Impossible, pense Angleton, qui l'accompagne à l'aéroport le 11 juin 1951. C'est avec lui, au bar de la Guardia, à New York, que Kim Philby passe sa dernière heure sur le territoire américain. Car l'espion britannique a été écarté de son poste par les renseignements britanniques et soumis à une enquête. Et en 1954, Philby, qui dément des accusations jugées grotesques, est finalement blanchi. Grâce à ses origines sociales, dit-on, son père était un diplomate célèbre, et pour éviter le scandale d'un procès. Filmé par Pathé, il se montre en tout cas satisfait, mais peu loquace quant à la levée des allégations contre lui. Pour le secrétaire aux affaires étrangères, M. Macmillan, rien ne prouve que vous êtes le prétendu troisième homme, celui qui aurait prévenu Burgess et Maclean. Êtes-vous satisfait d'avoir été innocenté ? Oui. S'il y avait un troisième homme, étiez-vous le troisième homme ? Non. Monsieur Philby, la disparition de Burgess et Maclean est presque aussi mystérieuse aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Pouvez-vous nous en dire plus ? Non. D'abord, la loi sur les secrets d'État m'empêche de dire quoi que ce soit qui puisse révéler des informations venant de mon activité passée. Ensuite, j'ai quitté le service il y a environ 4 ans, et si ce que je dis est sorti de son contexte ou déformé, comme ça parfois a été le cas, ça pourrait porter gravement préjudice au gouvernement et à son action au niveau international. Tandis que Philby se retire au Liban, où il se lance dans le journalisme, Angleton est nommé, lui, à la tête du contre-espionnage de la CIA, l'un des 15 services de la sous-direction aux opérations, la colonne vertébrale de l'agence, en fait. Près de 200 personnes, analystes, traducteurs, assistants et secrétaires, travaillent sous les ordres d'Angleton dans un service indépendant du reste de la CIA. Le contre-espionnage, c'est la passion de JJA, ce à quoi il était formé en Italie, là où il exhale. Théoricien habile, Angleton restructure le service en 7 branches, parmi lesquelles la recherche et analyse, qui étudie les archives, la branche communisme international et organisation apparentée, chargée des liens avec les pays communistes, ou encore l'unité d'élite, le Special Investigation Group, qui enquête sur un éventuel noyautage de la CIA par le KGB. Car si la CIA agit alors dans le monde entier, l'obsession d'Angleton est unique, empêcher à tout prix une infiltration de l'URSS aux États-Unis, quelle qu'en soit la forme. Alors, l'agent américain de 37 ans, devenu en quelques années une figure de la CIA, analyse, interroge, traque. Chargé d'établir la fiabilité des agents russes souhaitant passer à l'Ouest, il est aussi responsable de la vérification de l'habileté des employés de la CIA, régulièrement soumis aux détecteurs de mensonges et à des enquêtes sur leur vie privée. En 1955, Angleton obtient de pouvoir intercepter, ouvrir et photographier tout le courrier entrant, partant ou transitant des États-Unis à destination et en provenance de l'URSS. Ainsi, chaque jour, à l'agence postale de l'aéroport de New York, 3 agents de la CIA sortent une 60aine de lettres, les reproduisent, puis les remettent dans le circuit de la poste. En 15 ans, plus de 28 millions de lettres furent ainsi interceptées. C'est dire les moyens attribués à la CIA en général et à Angleton en particulier. Mais tandis qu'il s'attelle à empêcher la pénétration du KGB aux États-Unis, Angleton n'oublie pas son vieil ami Philby. Sur sa demande, Miles Copeland, agent de la CIA au Moyen-Orient, va tenter d'en savoir plus. L'espion britannique travaillait-il effectivement pour le KGB ? Jim Angleton savait que Philby était un agent du KGB. Et il m'avait dit que si je jetais un œil sur lui à Beyrouth, il payerait toutes mes dépenses pour mes loisirs. Donc, j'ai organisé de grandes soirées, payées par la CIA, auxquelles j'ai invité Philby. Il était tout le temps chez moi et je lui tendais des pièges. Kim, j'étais à l'ambassade américaine aujourd'hui et... Oups, je n'aurais jamais dû parler de ça. Et je l'observais pour voir s'il mordait. Mais il n'a jamais eu l'air intéressé, même si je lui montrais qu'il pouvait en savoir plus en me poussant un peu. Jamais, jamais, jamais. Le 23 janvier 1963, l'ancien agent britannique quitte le Liban pour Moscou. Il est officiellement reçu avec les honneurs du régime. C'est un coup de tonnerre pour Angleton qui s'acharnait à le défendre. Philby, le chasseur d'espions, était une taupe et lui, chef du contre-espionnage de la CIA, n'y a vu que du feu. Angleton est sous le choc, détruit, blessé dans son orgueil immense, mais pas seulement, car Philby, pensait-il, était un ami. From Russia with love I fly to you much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiles. But oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care again. My running around is through. To you from Russia with love. Au moment où Kim Philby, l'agent double du KGB, passe officiellement à l'Est, un agent soviétique fait défection au profit de la CIA. Il s'appelle Anatoly Golitsyn. Chargé de la planification stratégique pour le KGB, il occupe jusqu'en 1961 un poste de bureau à Vienne, qui ne satisfait pas ce jeune homme de 35 ans, réputé ambitieux, et suffisant également. En décembre 61, il se rend à l'ambassade des États-Unis d'Helsinki, où il a été muté avec des informations confidentielles. Commence alors la procédure dont Gigia est le responsable à la CIA afin de définir si, oui ou non, le transfuge est un vrai transfuge. Anatoly Golitsyn est envoyé aux États-Unis avec sa famille. Dans une maison reculée de la campagne virginienne, l'agent soviétique est interrogé par plusieurs membres de la CIA et, en premier lieu, par le chef du service du contre-espionnage. Golitsyn analyse Angleton et certes un peu imbu de lui-même, ce n'est pas un homme de terrain et il ne peut pas donner des noms ni d'informations précises, mais peu de transfuges possèdent ces qualités. Ses raisonnements sont fins, précis, il parle couramment anglais, surtout, il connaît le KGB de l'intérieur. Et puis, il ressemble un peu à Angleton lui-même, cultivé, curieux, c'est un véritable lettré qui connaît l'histoire byzantine autant que les Mamelouks, écrit alors le chef du contre-espionnage de la CIA. 3 mois après l'arrivée de Golitsyn sur le sol américain, il passe officiellement à l'Ouest. Et Angleton va rapidement le prendre sous son aile. Car le transfuge lui confirme ce qu'il soupçonne depuis maintenant près de 10 ans, sans jamais avoir pu le prouver, l'existence d'un plan d'ensemble. Oui, un grand projet imaginé par le KGB pour duper l'Occident tout entier. Ce plan d'ensemble, porté par une taupe soviétique au sein de la CIA, la grosse taupe, comme Angleton l'appelle, c'est Kim Philby qui lui en a soufflé l'idée dans les années 50. Et c'est sans doute là la vraie réussite, volontaire ou non, de l'agent double Philby. Il aura nourri la tendance obsessionnelle d'Angleton, qui consacre désormais toute sa attention à cette prétendue conspiration. En novembre 64, la CIA et FBI lancent une opération conjointe, Hunt Hall. 12 agents sont mobilisés pendant 4 mois pour mission unique de retrouver Sacha, le nom de code de la taupe. Angleton va d'abord tourner ses regards vers un transfuge soviétique arrivé quelques mois plus tôt à la CIA, un certain Yuri Nosenko. Cet ancien officier du KGB ne lui plaît pas. Pour pourquoi un fils d'apparatchik ferait-il le choix de trahir son pays? Et puis, ces révélations ne collent pas avec celles d'Anatoli Golitsyn, le protégé dans le Golton. Pire, elles les contredisent. Mais le 22 novembre 63, un événement tragique va bouleverser les États-Unis et achever de convaincre le chef du contre-espionnage que Nosenko est un faux transfuge. Attentat contre le président Kennedy à Dallas, le président a été transporté à l'hôpital. C'est alors qu'il traversait en automobile le centre de Dallas dans le Texas qu'on a tiré sur la voiture présidentielle. Madame Kennedy accompagnait son époux, c'est elle qui s'est précipitée la première vers le président. Un photographe de la suite présidentielle a déclaré que le président Kennedy saignait à la tête, je vous l'ai dit, il a été transporté à l'hôpital. C'est tout ce que l'on sait pour le moment. Pour une partie des États-Unis et pour Angleton, l'assassinat de Kennedy a été commandité par l'URSS. D'ailleurs, Golitsyn le lui a confirmé. Avant 1963, le KGB avait déjà envisagé de tuer Richard Nixon, alors vice-président d'Eisenhower. Et puis, Lee Harvey Oswald, l'assassin de Kennedy, était sans doute un agent du KGB. Yuri Nosenko, l'autre transfuge soviétique de la CIA, lui, affirme le contraire. Le KGB a bien contacté Oswald, mais il a été jugé trop instable pour être recruté. Alors, qui croire? La CIA se divise en deux camps, les pro-Golitsyn et les pro-Nosenko. Mais pour Angleton, le patron du contre-espionnage, il n'y a aucun doute, Nosenko fait de la désinformation, il est mis au placard. Alcoolique, insomniaque, tendu par la responsabilité qui lui incombe, Angleton devient fragile. Poussé par Golitsyn, lui-même diagnostiqué paranoïaque à son entrée à la CIA, il s'égare. Car pour lui, tout est suspect. La rupture entre la Chine et l'URSS, une manœuvre. Le printemps de Prague, une manipulation du KGB. Henry Kissinger, conseiller du président Nixon, puis secrétaire d'État, sous influence soviétique. Des dizaines d'agents de la CIA sont eux aussi suspectés et poussés à la démission parce qu'ils ont soutenu Yuri Nosenko, parce qu'ils critiquent Golitsyn ou tout simplement parce qu'ils ont des origines russes, comme Vadia Girkin, légende de la CIA. Mais le délire paranoïaque de GGA ne s'arrête pas aux États-Unis. Au Canada, en Australie et au Royaume-Uni, de hauts gradés du monde politique sont suspectés, voire écartés. Le duo Angleton-Golitsyn va même aller jusqu'à déstabiliser les services secrets français de SDEC. Avant sa mort, Kennedy avait prévenu le général de Gaulle. Le KGB aurait infiltré le SDEC par le biais du réseau Saphir. Pour les services français qui enquêtent en interne sur ces accusations de noyautage, Golitsyn prend un nom de code, Virou, pour Very Important Russian. À la DST, on parlait de l'évangile selon Virou, parce que, si vous voulez, il y avait des interprétations qui étaient faites de ses propos, qui étaient des propos parfois précis, parfois très vagues. Jamais il n'a dit un tel est un agent soviétique en France. Jamais. Ça ébranlait le SDEC terriblement, puisque a commencé à l'intérieur du SDEC deux choses. Premièrement, une méfiance totale de la CIA vis-à-vis du SDEC. Deuxièmement, une atmosphère de méfiance absolue puisqu'on s'est mis à faire la chasse aux sorcières. Des accusations jamais vérifiées qui firent pourtant des victimes. Les colonels Léonard Rouneau, numéro 2 du SDEC, et Georges Barzer, de l'Anurien critique envers Golitsyn, sont poussés à la démission fin 63. Ils clameront toujours leur innocence. Avant même que la France ne quitte l'OTAN, les rapports entre les États-Unis et le général de Gaulle se dégradent. Si Angleton a pu imposer ses vues plus que douteuses à la CIA tout entière pendant plus de 10 ans, c'est parce qu'il est respecté, admiré même, et soutenu par un groupe loyal de fondamentalistes du renseignement, comme le dira son partenaire de poker Peter Wright. Mais le fantôme gris, comme on l'appelle, n'a pas que des amis. Ses excentricités, il boit beaucoup, rappelons-le, et son aisance agace. Alors, quand le directeur de la CIA, Richard Helms, ami d'Angleton, est remplacé par William Colby en 73, certains se félicitent. Car Colby n'est pas un proche d'Angleton, au contraire. Deux méthodes, deux personnalités et un différent vieux de 25 ans. Lors des élections italiennes de 48, les deux hommes s'étaient opposés sur la stratégie employée. Colby, désormais à la tête de la CIA, veut en finir avec le système Angleton, ce petit réseau de soutien qui agit en secret et fragilise l'agence depuis une décennie. Quelques jours après le scandale Watergate, en décembre 1974, une nouvelle révélation de la presse va lui offrir l'occasion de se débarrasser de l'institution, comme il appelle Angleton dans ses carnets, l'espionnage généralisé des opposants à la guerre du Vietnam. Dans CIA Guerre secrète, un documentaire de William Carell diffusé sur France 5, d'anciens responsables de la CIA se souviennent de cette opération au nom prophétique Chaos. Cela faisait partie de l'opération Chaos. Démanteler toute forme de protestation, interrompre toute discussion contre la politique du gouvernement. Ils avaient pris pour cible les mouvements pacifistes et certains journalistes, dont quelques-uns furent mis sur écoute. Beaucoup de gens se sont retrouvés visés par cette opération qui consistait à dresser des listes d'ennemis potentiels. Une longue tradition dans l'histoire de ce pays. Espionner ses compatriotes, ce qui semble être le comportement le plus contraire au fondement de la constitution de ce pays, était une pratique courante depuis Hoover, Van Damme et Nixon. Ils l'ont tous fait. C'est ça le grand scandale. Nous avons vécu une période où les lois étaient bafouées sous Nixon, et la CIA y était impliquée. Pendant près de 7 ans, des militants, des journalistes, mais aussi des étudiants et des professeurs sont mis sur écoute. Et c'est Angleton, fervent défenseur de la guerre au Vietnam, qui est à la tête de cette opération, l'opération Chaos. Un scandale dont William Colby, le nouveau chef de la CIA, lui fait porter la responsabilité. James Angleton est donc contraint à la démission. Le directeur du contre-espionnage, que sa femme vient de quitter également, accuse le coup. Non seulement il doit partir de la CIA, à 57 ans seulement, mais c'est toute son œuvre qui est mise en pièces. Le service de contre-espionnage qu'il dirigeait passe de 300 à 80 hommes. 3 de ses plus proches collaborateurs sont remerciés et une enquête interne est menée. D'ailleurs, les conclusions sont claires. Les 173 dénonciations d'Anatoli Golitsyn n'ont pas de fondement solide. Et Yuri Nosenko, son opposant, est bien un vrai transfuge. Parce que Angleton a favorisé une action sous-main et réduit les échanges avec les autres services, les enquêteurs estiment que sa direction était délétère à la CIA. Convoqué au Sénat, l'été 75, Angleton ne parvient pas à se défaire de ses obsessions. Non, il évoque de nouveau le plan d'ensemble que l'URSS aurait échafaudé contre les États-Unis. Ce plan dont Kim Philby, l'agent double, son ancien ami, serait sans doute la clé. À la télévision, les États-Unis découvrent un homme de 58 ans qui en paraît 70, maigre, marqué par l'alcool et la cigarette. Acariâtre et soupçonneux, il semble sorti d'un autre temps. Angleton mourra en 1987 entouré de ses orchidées et des mythes qu'il hante. Mythique, oui, James Angleton l'est devenu lui-même. Celui que l'on considère encore comme une figure majeure du contre-espionnage américain nourrit aujourd'hui les rumeurs les plus folles. Instigateur de l'assassinat de Kennedy, amant de son frère ennemi Kim Philby, taupe du Mossad, mais aussi agent double du KGB, et pourquoi pas, si la grosse taupe, celle que Angleton a cherchée toute sa carrière au risque de déstabiliser la CIA, c'était le chasseur de taupe Angleton lui-même. Et si le maître du contre-espionnage avait volontairement feint la folie pour révoquer sans risque les meilleurs agents de la CIA? Des questions séduisantes qui resteront sans doute sans réponse, tant l'histoire du renseignement, par définition secrète, relève souvent de la fiction, de l'affabulation et de la conspiration, bien plus que du réel. écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire de James Jesus Angleton avec notre invité Bruno Fuligny. Bonjour. Bonjour. Historien du renseignement. L'an dernier, vous avez publié un livre très utile, Le Bureau des Légendes, décrypté. Donc, c'est aux éditions L'Iconoclaste, Le Bureau des Légendes, évidemment, du nom de la fameuse série. Alors, comment peut-on être historien des renseignements, le fondement de ces services étant le secret? Ça peut être facile. C'est pas très simple, et vous savez, je cite souvent la phrase de Racine, il n'est point de secret que le temps ne révèle. Mmh. C'est une histoire de temps, c'est-à-dire que bien sûr, si vous voulez accéder au dossier des affaires en cours, c'est impossible. Si vous souhaitez accéder au dossier d'affaires qui ont quelques décennies, c'est plus simple. Et puis les services de renseignement, français ou étrangers, contrairement à l'idée reçue des hommes d'action toujours en train de bondir, sont d'abord des services qui produisent de l'écrit, dans lesquels il y a une vraie culture de l'écrit. Donc les analystes en particulier rédigent des rapports, et ces rapports circulent, par exemple, vont être envoyés aux responsables politiques du plus haut niveau. Ça veut dire que des fois, on trouve des documents émanant des services de renseignement dans des archives autres. Et puis, parfois, il y a des dérogations qui sont accordées aux chercheurs. Alors, c'est très rare, mais ça arrive aussi. Ce qui permet de développer l'activité de recherche et le travail d'historien, finalement, comme tout autre domaine, même si cela est un peu plus difficile. Dans votre livre, alors qui est très illustré, hein, c'est un vrai album, il y a du texte, mais aussi beaucoup d'images, si j'ose dire, il y a quelques images d'instruments qui ont servi aux agents secrets de tout poil et de tout pays. Je dis de tout poil parce qu'il y a le blaireau creux, sacré blaireau celui-là. Son compartiment secret cache tout simplement un rouleau de code. On a aussi le tournevis piégé, creux. Il devait être dévissé dans le sens contraire du sens habituel, sinon une amorce faisait exploser son contenu. D'ailleurs, celui-ci détonna entre les mains du sous-directeur de la DST, Louis Niquet, de sorte que l'objet fut surnommé le tourniquet. On apprend un tas de choses comme ça, assez fascinantes, ou par l'anecdote, ou par les chemins sérieux, évidemment. Alors, on va essayer de décoder tout ce qu'il y a de vrai dans le Bureau des Légendes, et apparemment la série est de qualité, parce que globalement, elle est fidèle à la réalité. Ça, déjà, vous pouvez le confirmer. Oui, alors je voudrais rassurer tout le monde, l'histoire de Guillaume de Bailly est totalement fictive, et heureusement. En revanche, les personnages, l'univers dans lequel ils évoluent, tout cela s'inspire de réalités géographiques, historiques, qui ont nourri Éric Rochant et son équipe de scénaristes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça montre en action un service de renseignement aux prises avec une crise interne extrêmement grave qui est heureusement effective. Guillaume de Bailly, c'est le personnage principal, on va dire. Celui qu'incarne donc Mathieu Kassovitz, qui est un officier de renseignement, c'est-à-dire un très grand professionnel qui a agi comme clandestin, qui rentre d'une mission longue et périlleuse en Syrie. Il a évidemment agi sous un autre nom, ce qu'on appelle une IF, une identité fictive. Il a opéré en Fox, comme on dit, donc vraiment sous une identité totalement fictive, avec une légende qui a été construite pour cela, et donc sous le nom de Paul Lefebvre, professeur de français. Mais comme il y a eu une histoire d'amour... Ce qu'on appelle une couverture. Oui, ça, une couverture, une légende. Et lorsque il revient, eh bien, il ne veut pas faire ce qu'il devrait faire, c'est-à-dire détruire toute trace de ce Paul Lefebvre, renoncer à cette identité fictive. Il se débrouille pour conserver des papiers, il reste en contact avec la femme qu'il a aimée en Syrie, et à partir de là, tout vole en éclats, puisque là, c'est un premier mensonge, un premier manquement, et donc pour le couvrir, il va aller de mensonge en mensonge, de manquement en manquement, et ça va totalement désorganiser le service. Alors, on voit que les espions sont eux aussi constamment espionnés, hein, et c'est dans la dernière saison, justement, l'arrivée de Mathieu Amalric dans le personnage de Gigia. On a entendu l'extrait de la série au tout début du récit. Donc, ce Gigia, on l'a pas choisi par hasard, il correspond bien, sa légende, son histoire correspond bien à l'image qu'on s'en fait et dont les scénaristes se sont servis. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour les services de renseignement du monde entier, L'histoire d'Angleton n'est pas seulement une anecdote historique. Elle a donné lieu à une réflexion et on a théorisé cela sous le nom de syndrome d'Angleton. C'est-à-dire qu'on considère qu'il peut y avoir une forme d'accident psychologique, finalement, dans lequel un professionnel du renseignement, même du plus haut niveau, se met tout à coup à dysfonctionner parce qu'il voit des taupes partout, il voit des ennemis partout. Et en fait, c'est un péril, un excès de sécurité, finalement, est un péril pour le service lui-même. Alors c'est quelque chose qui a été identifié assez tôt pour les jeunes recrues. On s'amusait en disant il voit des rats bleus, parce qu'un rat bleu ça ressemble à une taupe sans être une taupe, et donc voir des rats bleus c'est une expression qui est utilisée par les professionnels pour dire voilà, il croit voir des taupes parce que il s'est un petit peu monté le bourrichon. Mais lorsque le même accident arrive à un haut niveau de responsabilité, et là il s'agit du chef du contre-espionnage interne d'une centrale, évidemment ça crée des dégâts considérables. D'autant que, par ailleurs, et là c'est une véritable fable, ce quasi-paranoïaque de G.G.A. ne voit pas la taupe énorme qui est Philby. Et, ah oui, ça c'est son échec absolu. Ça, absolu. Du côté du FBI, il me semble que Edgar Hoover, qui restait tellement longtemps en poste, était bien parano aussi, lui, hein, tellement anticommuniste qu'il en devenait parano. De toute façon, c'est un métier qui repose à la fois sur le secret et la méfiance. Si vous êtes très très bavard, très expansif, incapable de conserver une information, particulièrement confiant, passez votre chemin. Il faut faire un autre métier. Faites journaliste, par exemple. Mais c'est un métier où la méfiance et le secret sont quand même des exigences et des sauvegardes. Il faut malgré cela conserver son discernement. C'est là que l'équilibre est difficile à trouver. Alors, est-ce que cette guerre réelle ou supposée des services en France, entre l'espionnage, le contre-espionnage, les services extérieurs, la direction du territoire, d'abord, comment c'est en France, comment tout cela est structuré, déjà ? Alors, en France, nous avons actuellement 6 grands services, plus un 7e qui est en train de naître, et c'est plutôt un bien. C'est-à-dire que ce sont les États totalitaires qui ont cherché à avoir un grand service de renseignement qui s'occupe à la fois de ce qui se passe à l'intérieur des frontières, à l'extérieur, de l'économie, de la politique, de la guerre. Bon, dans les démocraties, on s'efforce d'avoir plusieurs services, plus ou moins spécialisés, et c'est une sauvegarde, là encore. En France, nous avons 2 grands services. La DGSI, qui s'occupe donc du renseignement intérieur. Et Direction générale de la sécurité intérieure. D'accord. Donc elle s'occupe à la fois du contre-espionnage, donc arrêter les espions qui pourraient venir sur le territoire français, de l'antiterrorisme. Elle observe tous les groupements extrémistes, dangereux. La DGSI, elle s'appelait il y a quelques années encore la DCRI, Direction Centrale du Renseignement Intérieur, et elle est née de la fusion de l'ancienne DST, du temps de la guerre froide. Direction de surveillance des territoires. Voilà, et des fameux RG, les renseignements généraux. Bon, donc là, c'est un premier service qui est essentiellement peuplé de policiers, en lien avec le ministère de l'Intérieur, donc, hein, et qui s'occupe de ce qui se passe à l'intérieur de nos frontières. La DGSE, elle va chercher du renseignement. C'est les autres qui font de l'espionnage. Hein. Nous, on fait du renseignement. Oui. La DGSE regarde un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, avec à la fois de l'action et de la collecte de renseignements. Mais il y a d'autres services. Pardon, est-ce qu'elle appartient au ministère de la Défense, celle-là ? Elle est rattachée, effectivement, au ministère de la Défense depuis l'affaire Benbarka. Avant, elle dépendait du Premier ministre. Très bien. Mais du ministère de la Défense dépendent également 2 autres services très différents. La DRM, Direction du Renseignement Militaire, qui, elle, est plus centrée sur le terrain, l'opérationnel. Et puis, un qu'on oublie toujours et qui est très important, la DRSD, Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense, qui garantit un petit peu la sûreté des sites et des personnes qui œuvrent pour la défense ou pour les industries de défense. Et puis, il y a également 2 services qui, eux, dépendent du ministère des Finances. Tracfin, pour tout ce qui est blanchiment, c'est aussi du renseignement, hein, parce qu'il faut traquer effectivement les circuits financiers un petit peu louches qui peuvent servir aux terroristes, pas seulement à l'évasion fiscale. Et il y a également la DINRED, qui est un service de renseignement douanier. Et enfin, tout récemment, s'est créé un renseignement pénitentiaire suite au, évidemment à la montée du fondamentalisme dans les prisons. Alors si on juge de l'état démocratique d'un pays au nombre de ses services, nous sommes très démocratiques. Hein. Alors on va essayer de voir ce qui est très réaliste dans ce qui est plus spectaculaire dans cette série Bureau des légendes, notamment dans la saison 1, on assiste à la formation de Marina Loiseau, alias Phénomène. C'est son surnom, sa couverture, tout ce que vous voulez. Elle est incarnée par Sarah Giraudeau. Dans la scène qu'on va entendre, elle révise le farci qu'elle a appris en quelques semaines parce qu'elle va partir en Iran en tant que fausse sismologue. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas compris? Non. Il faut apprendre aussi le farci des rues, mademoiselle. C'est pas des profs délicats qui vont vous interroger si jamais ça vous arrive. C'est des flics, des mecs grossiers, des porcs. Si vous les comprenez pas, ça va poser un problème. Désormais, c'est avec ça que vous allez apprendre, ok? Ok. Mais ça peut arriver qu'il y ait des flics qui m'interrogent comme ça? Bah oui. En Iran, vous pouvez vous faire interroger et arrêter n'importe quand pour n'importe quoi. Ça veut rien dire du tout, justement. Mais si vous comprenez rien, vous allez paniquer. Ok? Ok. Ça se passe comme ça, Bruno Fellini? Oui et non, c'est-à-dire que bien sûr pour les besoins de la fiction, le temps a été un petit peu condensé, on n'apprend pas le farci en quelques jours, j'imagine. Il n'y a pas sismologue en quelques jours. Cela dit, dans la série, le personnage de Marina Loiseau, c'est une polytechnicienne. Hein, donc on peut s'appuyer aussi sur la culture et les connaissances d'une recrue de grande valeur. Après, la formation d'un clandestin, elle peut durer très longtemps, surtout si c'est pour une mission longue. Il faut bien distinguer entre des missions qui peuvent être très brèves et des missions plus longues et qui nécessite là une préparation particulièrement soignée. Un clandestin peut être formé sur plusieurs années dans certains cas. Et c'est pour ça que dans la série, on les compare à des porte-avions. Parce que ça coûte très cher un clandestin. Pour former un clandestin, il faut qu'une équipe travaille à fond, travaille longuement. Donc il n'y a pas des centaines de clandestins. Donc ce sont des gens très souvent de haute qualification, soit ils sont embauchés déjà avec cette haute qualification, soit ils sont formés. Mm-hmm. Et dans la série Le Bureau des légendes, Marie-Jeanne Dutilleul, qui est la chef, hein, assiste à une opération très tendue menée par deux agents qui prennent beaucoup d'importance dans cette saison-là. Ce sont les geeks. Et évidemment, j'imagine qu'ils ont un rôle très important dans les services secrets français, les services secrets de tout pays d'ailleurs. Donc deux pros du hacking qu'on va entendre, Sylvain Ehlenstein et César. C'est parti. Pourquoi c'est rouge? C'est normal, leur serveur a repéré notre connexion, ils l'ont coupé. Maintenant, on va voir s'ils réussissent à remonter. On doit coder plus rapidement qu'eux pour effacer nos traces. Apparemment, ils n'ont pas eu le temps de repérer le serveur qui précède. Sinon, ils seraient rouges aussi. Ok, c'est bon. C'est fini? Non. Combien? Moins de 3 secondes. 300 KO sur un peu plus d'un méga. On change de chemin. On y va. Pourquoi il y a deux points rouges? Il s'adapte. Merde. Il est costaud? Moins que moi, mais costaud quand même. 320 KO. Plus que deux fois. C'est pas inquiétant ce qui s'est passé là? Le protocole, c'est qu'on prend pas de risque au-delà de N-5. Ça, c'est N. Ça, c'est N-1. La DGSE, c'est N-10. C'est parti. Oh putain. Je prends le relais. Wow. C'est pas des Ukrainiens. Hein. Voilà, je pense aussi à ces outils de localisation satellite qui permettent de repérer un téléphone portable au beau milieu du désert, ou cet instrument qui permet de voir à travers les murs. D'un point de vue technologique, on est là encore dans le bureau des légendes, dans le réalisme ou dans le spectaculaire, parce que c'est aussi de la fiction et un spectacle. La fiction utilise des techniques qui sont bien sûr nécessaires dans les services modernes. Pas passer à côté des progrès technologiques, et souvent les services ont intérêt à être en pointe. De la même manière d'ailleurs, les petits objets que nous avons tous aujourd'hui, type téléphone portable, dérivent des gadgets qui étaient un petit peu réservés aux services dans les années 1950-1960. Donc les services sont souvent en pointe sur la technologie. Cela dit, le 11 septembre a montré aux Américains que tout ne pouvait pas reposer sur la technologie. Il faut être capable aussi de faire ce qu'on appelle du renseignement humain, le renseignement traditionnel, l'infiltration, les écoutes, ce genre de choses. Et là, la série montre bien les deux. On a à la fois des individus qui sont sur le terrain, soit pour infiltrer, pour renseigner, des équipes qui font des actions, et puis des moyens technologiques avec ce recrutement de personnages qui ressemblent assez peu à l'image du James Bond, puisque là, on a de jeunes geeks dont les connaissances et la réactivité sont très utiles au service. Mais des James Bond, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui prennent des vrais risques au péril de leur vie sur des terrains hostiles, ça existe, on est bien d'accord. Alors, des gens... Est-ce que ça existe ou pas ? C'est réservé au cinéma ? Non, disons que le personnage de James Bond, c'est un personnage fictif. Ce qui est génial dans James Bond, c'est qu'il condense en un individu le travail de plusieurs personnes. Tous les spécialistes vous diront que le renseignement, c'est un travail collectif. Ça n'est pas la même personne qui va aller faire une action de sabotage, qui va aller infiltrer, qui va rédiger un rapport, qui va exploiter ce rapport. Tout ça, c'est évidemment cloisonné. Le cloisonnement est le maître mot du renseignement. Un grand patron du Mossad, Isser Harel, a dit que jamais il n'aurait employé un James Bond, personnage beaucoup trop voyant, qui adore se faire remarquer dans des voitures rutilantes. Donc, un bon espion, c'est quelqu'un qu'on ne remarque pas. Et puis, ça n'est pas quelqu'un qui agit en solitaire et qui prend des initiatives. N'oublions jamais que les services de renseignement, ce sont des administrations de l'État. C'est-à-dire, alors évidemment c'est un peu moins glamour, mais que les officiers de renseignement sont des fonctionnaires qui obéissent à une hiérarchie, qui obéissent à des règles, même si, bien sûr, dans certains cas, ils doivent faire preuve d'initiative et de discernement, mais pas trop. Merci infiniment Bruno Fuligny, ce sera le mot de la fin. Donc je rappelle votre livre qui est passionnant. Si on a aimé le Bureau des légendes, bien sûr, donc le Bureau des légendes décrypté, préfacé par Eric Rochant, le réalisateur. Il y a tout un tas de documents, notamment des lettres, des manuscrits, des plans et puis des outils dont je parlais tout à l'heure. Voilà, c'est une lecture à la fois instructive et récréative. Merci. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, James Jesus Angleton, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, il y avait, et je le remercie, Arnaud Caillet.